tu dois pas manger de viande pendant un certain temps. Fahada, là, je sais que c'est matelot. Ça peut être wajib, ça peut être meilleur, ça peut être. Al-Mouim, il a le droit. Qala, bal in qulna bi talab at-tadawi lil marid kana at-tark huna matlouban. Na'am. Si c'est pour tadawi, ça peut être wajib. At-tadawi, qad yakun wajiban. Ya ibad Allah, tadawaw. Hakada qal Nabiullah sallallahu alayhi wa sallam. La yajouz al-insan an yahlik nafsah. بل إن قلنا بطلب التداوي الماريكان الترك هنا مطلوبا وإن قلنا بإباحة التداوي فالترك مباح هذا ça revient, ça dépend cette maladie, ça dépend le délaissement. Al-Muhim, nous, ce qu'on veut vous faire comprendre, le délaissement, ça dépend de la niya. Faut pas comprendre que une personne, il délaisse une chose, khalas, il est tombé fil bid'ah. Man taraka shay'an min dinillah, waqa'a fil bid'ah. Hada ghayr sahih. Là, ça dépend pourquoi il délaisse. Et la chose qui délaisse, sa niya. Thumma, après avoir cité que tu peux délaisser une chose, li anna, t'en as besoin. Ah, t'as besoin de ce délaissement, maintenant ça te fait du mal. Ah, ou le docteur il t'a ordonné de délaisser cette chose pour ta santé. Ah non, on a dit c'est mauvais. Ça peut atteindre le niveau de l'obligation, on a expliqué. Maintenant, prends l'exemple de la viande. Celui qui la délaisse, ça peut être une raison de santé. Al-An, si c'est pas pour cette raison, ça peut être imma, il le délaisse parce qu'il croit que ça fait partie du din, ou une autre raison. Al-An, une autre raison, il n'aime pas. Hada, il fait ce qu'il veut. S'il n'aime pas, il n'en mange pas. Lakin al-An, huwa, il va accentuer sur ceux qui délaissent par rapport au din. Qala fa in lam yakun tadayyunan fattarik 'abid bi tahrimi al-fi'l aw bi 'azimati 'ala at-tark wa la yusamma hada at-tark bid'ah. Matalan, on prend l'exemple de la viande. S'il la délaisse, c'est pas une bid'ah. قال واما ان كان الترك تدينا فهو الابتداع في الدين على كلتا الطريقتين celui qui délaisse une chose تدينا c'est ça le bid'a مثلا il délaisse une sunna ou même quelque chose de mubah qui est pas dans le din et lui il pense que ça fait partie du din c'est une bid'a même s'il délaisse une sunna لأنه, c'est quoi qui le fait tomber dans le bid'a c'est pas son délaissement c'est la aqida. C'est ce qui l'a poussé à délaisser. Qala id qad faradna al-fi'l ja'izan shar'an fa sara at-tark al-maqsud mu'aradatan lish-shar' fi shar' at-tahlil. Li'anna hadha al-an yu'arid ash-shari'a. Huwa yadi la hadha c'est pas min ad-din. Ou le contraire. Ash-shari'a la dit que cette chose elle fait pas partie du din. Huwa yadi si elle fait partie du din. Hadhi hiya al-bid'ah. Al-bid'ah c'est que tu inventes une chose fait din. Que ça soit un rajout ou une diminution. ثم قال في الأخير فإن قيل فتارك المطلوبات الشرعية ندبا أو وجوبا هل يسمى مبتدعا أم لا celui qui délaisse quelque chose de din que ça soit une obligation ou quelque chose qui n'est pas obligatoire recommandé فمن ترك واجبا أو ندبا مستحبا هل يقال فيه مبتدعا عندما Si vous avez compris l'âne, vous pouvez répondre. Celui qui délaisse une ibad, obligatoire ou recommandé, est-ce que c'est un mubtadi' il est tombé fil bid'a? Indat? Ahsant. Idha qassada bit tark at-ta'abbud, waqa'a fil bid'a. Amma idha tarakaha takasulan, ou nasiyan, ou sahwan, هذا صدقه سلا مثلا دليس بارفينيانتي سا بيشور سي با مبتدع الا با فيت بدعه الا فا بيشور سلا دليس بار اوبلي لا شيء عليه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا سلا دليس بار ايرور لا شيء عليه يا ريان سو كي سترومب سو كي اوبلي فلا بد انت تو كومبرون مثل هذه الامور لان بعض الناس يكومبرون با سي شوز اي ميت لي جون توس او ميم نيفو بوكوا اون انسيست سوفون ان الحكم على الناس سي با سامبل سي با Chaque fi'l aura le même hukm. Abadan. Ça dépend de la niya de la personne. Ça dépend est-ce qu'il a des choubas. Ça dépend. Fahada l'amr l'insan yataharra fihi jidda. Qala l'imam al-Shatibi fallawa. Il va répondre à la question. Inna at-tarik lil-matloubat ala darbay. Celui qui délaisse une ibada, qu'elle soit obligatoire ou recommandée, il y a deux niveaux, deux sortes de personnes. Qala al-awwal. أن يتركها لغير التدين إما كسلا أو تضييعا أو ما أشبه ذلك من الدواعي النفسية فهذا الضرب راجع إلى المخالفة للأمر فإن كان في واجب فمعصية وإن كان في ندب فليس بمعصية الآن